La cérémonie d'ouverture du 12e Festival national des conceptions de machines a eu lieu le 3 août au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont participé les fonctionnaires et travailleurs des domaines intéressés, des établissements des projets de machines, de création des dessins industriels, d'enseignement et de recherche scientifique. Le festival montre plus de 650 projets de machines, données de techniques et de conception et logiciels d'appui de conception de machines.